Les rimes défilent comme les années. J'aperçois la trentaine dans une course contre la montre. Persuadé d'être en tête, balance-moi le beat, que je le plie, que je le kick. Oui, c'est dans la logique de l'esprit de mon équipe. On sait très bien, ça ramènera pas d'argent. Le mental en acier, on fait du son sans rien attendre. Le mal est latent, fais preuve de patience. J'éteins, prépare sa danse et veut qu'on rentre là-dedans. Alors suis-moi, et vas-y, laisse parler la musique. Laisse couler les mots, créant les rimes qui sortent de l'usine. Ça me fusille, je me laisse guider par mon esprit. Mon inspi m'incite, insiste pour rouler un spliff. Difficile de garder le cap comme de garder la pêche. De rester calme quand y'a plus rien à perdre. C'est pas la peine, je ne tendrai pas la perche. J'préfère rester dans mon délire, quitte à courir à ma perte. Ma musique, c'est ma vie sans les paroles, des notes, des accords. Trop d'histoires qui ne sont pas drôles. Ma musique, guide ma vie et trace nos parcours. Elle est partout, dans nos têtes, à tous les carrefours. Ma musique, c'est ma vie sans les paroles, des notes, des accords. Trop d'histoires qui ne sont pas drôles. Ma musique, guide ma vie et trace nos parcours. Elle est partout, dans nos têtes, à tous les carrefours. Rien n'est laissé au hasard, ni le fond, ni la forme, ni la façon dont s'enchaînent les voyelles et les consonnes. Tout est dans le détail, caché au fond des rimes, caché à faire du bise. Les gamins embrassent chez Tan. Chacun ses armes, alors chacun peut se battre si je suis triste. Non, ne m'en voulez pas, c'est plus facile d'être heureux avec du fric sans plan épargne que de traîner sur le parvis en attendant que le temps passe. La vie demande le maximum, sans jamais ne rien rendre, sans jamais nous attendre. On persiste, on s'accroche entre impertrices des lumières fortes. Voilà tout le paradoxe, voilà ce que la vie m'apporte. J'ai vu le jour en mars 83, produit des années 80. Ma vie d'artiste est devant moi, derrière moi. Toute la merde veut me rattraper, m'attacher, comme quand les keufs voulaient nous matraquer. Ma musique, c'est ma vie sans les paroles, des notes, des accords. Trop d'histoires qui ne sont pas drôles. Ma musique guide ma vie et trace nos parcours. Elle est partout, dans nos têtes, à tous les carrefours. Ma musique, c'est ma vie sans les paroles, des notes, des accords. Trop d'histoires qui ne sont pas drôles. Ma musique guide ma vie et trace nos parcours. Elle est partout, dans nos têtes, à tous les carrefours. Le sens de tous les mots avec l'impact de nos phrases. Qu'on s'enfonce dans les eaux en décrivant le naufrage. Je comprends que maintenant on ne parle qu'à la musique. On met nos vies dans la musique. Le sens de tous les mots avec l'impact de nos phrases. Qu'on s'enfonce dans les eaux en décrivant le naufrage. Je comprends que maintenant on ne parle qu'à la musique. On met nos vies dans la musique. Ma musique, c'est ma vie sans les paroles, des notes, des accords. Trop d'histoires qui ne sont pas drôles. Ma musique guide ma vie et trace nos parcours. Elle est partout, dans nos têtes, à tous les carrefours. Ma musique, c'est ma vie sans les paroles, des notes, des accords. Trop d'histoires qui ne sont pas drôles. Ma musique guide ma vie et trace nos parcours. Elle est partout.